Pas à vendre, chétane. La fin est proche, la guerre est ouverte. À cause de ceux qui nous gouvernent, je suis tout vert. Je me lève, j'ai de l'herbe. Je roule un stick, je roule un niaque. Je me lève, je me lève. J'ai la trique, j'ai la niaque. Je suis dans le trompe, je suis dans le bus. 0-0-0, j'en veux plus. Ma vie, c'est dur, on nage dans ma mère, noire pour l'argent. Roule un jet, roule un jet. Police, police. Vent en l'air, vent en l'air. Pour un pas de politesse. Dans la vie, j'suis plutôt cool. Et sur un track, j'fous la merde. Ouais, ouais, pour les rêves. Trop d'honneur pour les keufs. Yeah, wesh, ça dit quoi? Tu fais quoi, la rabis-toi? J'fume la weed, la hollandaise. J'suis bien comme après une violente baisse. Même dans la merde, on peut briller. Tu l'avais, tu l'auras dans la bouche. Le trésor est dans la ruine. Et l'or est dans la boue. Ouais, j'loupe pas le but. Et elle revient quand t'as le truc. Sale pute, sale pute. Tu verras pas mon calbut. Ouais, l'homme veut la guerre. Depuis l'âge de pierre. Si t'as l'âge de parler, hein, prends ta l'âge de terre. Yeah, sa grand-mère les réseaux. Sa grand-mère les médias. J'ai de l'amour que pour mon réseau. J'pourrais t'aller pour eux dans l'immédiat. Toto, la vie c'est pas les Sims. Pour l'être humain j'ai pas d'estime. Quand je vois l'état de la Palestine, la fin des temps j'en vois les signes. Je me lève, j'ai de l'air. J'roule un stick, j'roule un niaque. Je me lève, je me lève. J'ai la trique, j'ai la niaque. J'suis dans le trompe, j'suis dans le bus. 0-0-0, j'en veux plus. Ma vie c'est dur, on nage dans ma mère, noire pour l'argent. Roule un jet, roule un jet. Politesse, politesse. Vent en l'air, vent en l'air. Pour un pas de politesse. Dans la vie j'suis plutôt cool. Mais sur un track j'fous la merde. Ouais, ouais, pour les rêves. Pas d'honneur pour les keufs.